Mais alors, petit con, je vais te dire un truc. Non, moi, j'étais une canette. Attends, on déjà l'écoute. C'est clair, je vois que tu te reconnais dans ce que je dis, dans ce que je fais. T'as côtoyé les queues stylées, les faux cochets, les gradés, les feuchets, les baskets trouées, les darons qui pleurent, les frères écroués, les procureurs, les juges, les avocats, les inspecteurs. Voitures volées, voitures brûlées, laisse-moi deviner. Tu vas en foyer les bouteilles de Sky que tu voles à Intermarché. Le ciné, les dernières séances, le bus, le train, le RER, les vannes sur les mers, les faits divers, t'es toujours sur les nerfs. Ta mère se tient la tête, elle pleure, elle assume plus ses loyers. Toi t'es recherché par les queues. T'as fugué du foyer. Le soir tu fumes, la nuit tu voles. On court tes bons cabayés. C'est plus des maths, c'est du rap qu'il y a sur tous tes cahiers. J'parais que t'as jamais lu un livre. J'parais que tu bois, j'parais que tu fumes. J'parais que t'es ivre, j'parais que t'y crois. J'parais que t'as trop envie de vivre. Attends, première fois que t'es tombé, laisse-moi deviner. C'était pour vol, agression, stupéfiant. Puis merde. Dans chaque bloc, dans chaque test, les mêmes glocks, les mêmes caisses. Man c'est partout. La banlieue sort par du mic, encore un jeune qui a des Nike, encore un disque dans les bacs. Dans chaque bloc, dans chaque test, les mêmes blocs, les mêmes caisses, man c'est partout. La banlieue s'empare du mic, encore un jeune qui a des Nike, encore un disque dans les bacs. Depuis que tu t'es mise à fumer, man t'as trop maigri. Kev ton pété, t'es tombé, t'as grossi puis t'es ressorti. Avec les potes, ça rappe, ça ken, nouveau local et dans la carte. Les jours rougis par les baffes, mais t'as jamais poucard. J'parais que tu travailles mal en cours, que t'es en troisième insertion. Tu fais semblant de rien entendre quand les Kev te posent des questions. Regarde le ciel en rêvant, partage les galères, les gardables, le banc, le ciment, la gamelle avec le nouvel arrivant. Le quotidien t'es tout, je sais, tu peux rien y faire. Tu veux rouler avec le dernier fer, accélérer avec la dernière paire. Le SMIC t'en a rien à faire, car t'es un jeune du bitume. Le matin les profs te prennent la tête, l'après-midi les keufs te prennent la tête. Le soir tes rampes te prennent la tête, tu sais plus où donner de la tête. Intelligent et loin d'être bête, c'est le système qui se barre en sucette. Ça laisse-moi deviner, la deuxième fois que t'es tombé, c'était pour vol, agression, stupéfiant, puis merde. Dans chaque bloc, dans chaque test, les mêmes glocks, les mêmes caisses, man c'est partout. La banlieue s'empare du mic, encore un jeune qui a des Nike, encore un disque dans les bacs. Dans chaque bloc, dans chaque test, les mêmes blocs, les mêmes caisses, man c'est partout. La banlieue s'empare du mic, encore un jeune qui a des Nike, encore un disque dans les bacs. Je me reconnais dans ce que tu dis, dans ce que tu bois, dans ce que tu fumes, dans ce que tu vis, dans ce que t'écris. Je sais que tu le fais pour t'évader, ça parle en bélier, en rodka, ça parle en drive-pie. Tu fais tellement des trucs bizarres que t'es recherché par X-Files. C'est partout pareil, c'est partout la merde, c'est partout la France. Arrête de te plaindre, regarde au bled, qu'on aimerait avoir ta chance. Combien de nos frères sont partis trop tôt, tu comprendras en grandissant. Car si ma vie serait ta classe, trop d'élèves seraient absents. Je me vois dans toi comme dans un miroir, je me revois au mitard, rappant mes textes, larmes aux yeux, tout seul dans le noir, loin du square. Je suis pas une star, j'ai juste pris mon élan, sauter les remparts. Je suis comme toi, quand les keufs me recherchent, je ne me rends pas. Pourquoi pas, pourquoi moi et pas toi, pourquoi tu arriverais pas. Sèche tes larmes et repars au combat. Au fait, tu l'as honni, je voulais te dire, la troisième fois que je suis tombé, c'était pour vol, agression, stupéfiant, puis merde. Dans chaque bloc, dans chaque test, les mêmes glocks, les mêmes caisses, man c'est partout. La banlieue s'empare du mic, encore un jeune qui a des Nike, encore un disque dans les bacs. Dans chaque bloc, dans chaque test, les mêmes glocks, les mêmes caisses, man c'est partout. La banlieue s'empare du mic, encore un jeune qui a des Nike, encore un disque dans les bacs.